Ce texte est l'un des premiers que j'ai écrit. Il relate les grandes souffrances de la jeune adulte perdue et désemparée que j'étais. Les poussières du deuil. C'est si délicat de parler du deuil. Du moins, je trouve délicat de parler des répercussions de ce que j'ai vécu. Tout d'un coup, que le regard des autres change sur moi. Ces masques que j'avais créés, étant jeune, tomberont assurément. Prendre le risque d'être jugée, de sembler lourde, de déranger. Quelle est mon intention alors? Assumer mon histoire. Remettre les pendules à l'heure. Mais, plus que tout, donner l'espoir à des jeunes qui, comme moi, sont devenus orphelins à l'âge de la connaissance de soi. À l'âge où la recherche inconsciente de modèles est omniprésente. À l'âge où l'attachement prend un nouveau sens. À 19 ans, j'aurais tant aimé savoir que mes incohérences étaient normales, que mes masques, mes attitudes, mes réactions l'étaient aussi. Si je désire maintenant accompagner les gens dans leur histoire de deuil, ce sera tout d'abord en assumant la mienne. Longtemps, je me suis cachée pour exprimer la peur et la tristesse qui m'envahissaient. Jusqu'à ce texte, j'ai même encore hésité à parler au jeu, désirant me dissocier de mon histoire et de la tempête créée par mes deuils. L'énergie de la perte n'est jamais attrayante. Elle est plutôt lourde et embarrassante. Elle prend toute la place en dedans. Du déjeuner au souper, du coucher au lever. L'énergie du deuil envahit. Elle atrophie. Elle l'exaspère. 1995, la planète cesse de tourner. Après tous ces deuils, toutes ces pertes, que reste-t-il de moi? À la suite de mon nouveau statut d'orpheline, j'ai été envahie par le sentiment d'être un imposteur. Serais-je une orpheline à la hauteur? On a commencé à me dire, « Tu es si forte de traverser tout cela. » Personnellement, je savais très bien, sans rien dire, que cette force que l'on me reconnaissait était celle qui, en moi, retenait un lion en cage, qui retenait le lion non par peur qu'il ne mange, mais plutôt par peur qu'il m'abandonne, lui aussi. On disait de moi, « Tu es si bonne et généreuse. » Alors que j'essayais de me retrouver à travers l'aide aux autres, d'être aimée, ou plutôt de ne pas être rejetée, je tentais de mener à bien la vie des autres, ne croyant pas en la possibilité de récupérer ce qui restait de la mienne. On me répétait, « Tu es si sage et équilibrée. » Pourtant, je me sentais comme une funambule sur un fil de fer entre deux tours jumelles. Je quittais l'effondrement de la première en attendant l'affaissement de la deuxième. Même les yeux fermés, ce vertige m'habitait. En fait, ce vertige venait de l'intérieur. « Tu es si loyale. » Loyale, oui, à m'en étouffer. Telle une prison dorée, prise dans des principes et des croyances qui demandent à être changées, que la vie pousse à revisiter. Je me suis accrochée. Cette façade de jeune fille en contrôle dissimulait surtout une façon de ne plus bouger mon univers et d'inviter fortement les autres à faire de même. On me disait, « Tu es responsable, mature, tu m'impressionnes. » Comment pouvais-je prendre le risque de décevoir, alors qu'au fond de mon cœur, une petite fille sans confiance, les lulus trop serrés, ne rêvait que de se coucher en cuillère avec ses poupées? Tu es peut-être l'ami à qui j'ai répété tant de fois, telle une automate, « Je suis toute seule au monde. » Alors qu'au fond, peu de gens avaient la chance d'avoir autant d'amis comme toi, à qui répéter « Je suis toute seule au monde ». Tu es peut-être le chum que j'ai quitté brusquement, pendant que tu ne comprenais rien, que tu étais sous le choc. Je pleurais l'abandon que je fuyais tant et que j'avais finalement provoqué. Je semblais détachée, assumée. J'étais plutôt intimidée et apeurée. Toutes les fois, je n'ai fait que choisir entre toi et moi. Tu es peut-être la personne qui a tant voulu m'aider et tout me donner. Alors que tout mon corps criait à l'insulte si on osait m'aider et se pencher vers moi. Au fond, j'espérais de tout mon être que l'on m'oblige, malgré ma contorsion, à recevoir, car on ne m'avait pas appris à accepter, sauf en cas de faiblesse. Mais ce que l'on ne me disait pas, c'est que cette faiblesse rendait muette. J'ai dit oui à beaucoup trop, répondu non à trop peu. Tu me pensais efficace, alors que je ne voulais être qu'indispensable. Tu me disais souriante, en fait, j'étais un clown triste et je m'entraînais pour le bonheur. Comprendre qu'à travers cet âge, le deuil est un labyrinthe dans lequel nous sommes appelés à développer notre identité. Comprendre que cette traversée transformera la manière de s'attacher aux gens. Accepter l'injection de lucidité reliée à la possibilité de perdre. S'adapter à sa boussole interne, toujours à la recherche du sens perdu de la famille. Apprivoiser ce nouveau regard qui permet d'apprécier ce que l'on a au détriment de ce que l'on n'a plus. Apprécier l'urgence de vivre comme un nouveau groupe sanguin qui coule dans nos veines. À se sentir si désorienté, il est certain que l'on perd le nord. Que l'on perd la carte aussi. Le deuil n'est pas une destination, c'est un état à dépasser. Cette petite Karine se pointe encore parfois. Maintenant, je lui sers un chocolat chaud, plutôt que de lui botter les fesses. Je desserre ses lulus, je lui fais un clin d'œil et je la remercie. Je la remercie de m'avoir rendu ma liberté malgré tout. Car je n'avais pas compris dans ma traversée qu'à ne pas l'écouter, je lui donnais le goût de crier plus fort. Aujourd'hui, je découvre qu'au cœur de sa poupée endeuillée se trouvait une grande fierté. Merci à toutes les personnes qui ont été patientes, tolérantes, aimantes. Vous êtes une famille et votre amour a fait des petits et j'en prends bien soin aujourd'hui. Vous êtes au cœur de ma gratitude et vous avez été inconsciemment mes enseignants, mes mentors, mes modèles auxquels je me réfère afin d'accompagner à mon tour chacun de mes clients avec humilité et amour.